mauvais moments, ou maladresse des sentiments. Souhaitons-nous juste le meilleur, ensemble y a pas de place pour le bonheur. On a pu rien construire, plus d'attente, des souvenirs. N'être pas tout, n'être plus rien, des amants orphelins. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Albino, quel talent.

n'est pas la vacuité totale ou la gloire au capitalisme, ou bien le néant cérébral. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi, tu verras, tu te sentiras mieux, et tu connaîtras la vraie vie. Je sois un de ceux qui vivent dans le passé. Je suis même plutôt équipé et gros addict au quotidien. Mais demander qu'est-ce que tu prends avec quelqu'un en tête à tête et finir sa phrase dans le vent, et pas si con mais ça m'inquiète. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, le vendredi soir, à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika, et ce, depuis 13 ans déjà. Donc, on a fêté cet anniversaire-là, justement, le 4 ou le 3 juin, je me souviens plus exactement. En tout cas, 13 ans de musique, 13 ans, où nous avons reçu de nombreux invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, aujourd'hui, ça sera comme la semaine dernière, ça sera comme le mois de juillet et d'août, puisque pendant les vacances, effectivement, il y a beaucoup de gens on profite un petit peu pour partir. Donc nous, ce qu'on va faire, on va diffuser le maximum de musique des artistes qui sont venus chez nous. Et on a commencé déjà depuis 19h exactement, hein, puisqu'on a écouté Manu Lorca. Alors ce morceau-là, c'est vrai que c'est un morceau que j'ai toujours adoré. Et dernièrement, il y a une petite vidéo, vous pouvez le retrouver sur le Facebook de Manu Lorca, justement. Vous allez sur Facebook et vous trouvez une petite vidéo où il interprète à la guitare acoustique. Et franchement, c'est super bien. Donc j'avais envie de la diffuser dans l'émission. Et c'est chose faite. Donc on a commencé cette émission avec Manu Lorca, Tu me disais. Juste après, c'était Les ailes au nord avec L'amant. Juste après, c'était la chanson Mavrika avec le collectif Mavrika. Donc une vingtaine d'artistes qui avaient participé justement à cette chanson, qui ont interprété chacun une phrase de chaque couplet, et puis tous ensemble pour le refrain, bien entendu. Et on avait passé un bon moment, c'était au studio Émergence il y a quelques années déjà. Et puis pourquoi ne pas faire une prochaine édition, justement la suite peut-être de cette chanson Mavrika. Donc juste après, on a écouté aussi Skawax juste à l'instant. Et après, bon, là, j'ai chamboulé un petit peu le programme. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé une petite dédicace, et je vais la faire puisque c'est une de nos invités. Il s'agit de Yavanna qui nous demande une petite dédicace pour Mélissa. Voilà. Donc c'est la chanson Reste. On va écouter la chanson Reste, la chanson qu'elle est venue nous présenter lors de son dernier passage. Et puis on lui fait un petit coucou aussi à Yavanna, et on espère la retrouver très très bientôt. En tout cas, nous, on est ensemble jusqu'à 22h. On va écouter que de la bonne musique. On a déjà bien commencé, hein, vous avez pu le voir, et j'en ai encore plein comme ça dans ma besace. Donc j'ai programmé pas mal de bonnes musiques. On va essayer de faire varier un petit peu les artistes, parce que quand on en a reçu pas loin de 500 artistes différents, c'est difficile de les passer tous dans la même émission. Donc on essaie de varier un petit peu, sachant qu'il y a aussi des nouveautés qu'on aime bien rediffuser aussi pour vous habituer. Et donc on est ensemble jusqu'à 22h pour écouter de la très bonne musique. Restez avec nous, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Juste après, Yavanna avec Reste. Des signes comme ça qui ne trompent pas. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé avec cette chanson dans la tête et ce soir, je vous la fais partager. Et en plus, il y a Vanna qui nous envoie un petit message. Donc, c'était pour Mélissa. Une petite dédicace comme ça dans l'émission Eureka. Ça fait pas de mal. Il faut savoir que dans l'émission Eureka, la plupart des grands artistes de la région écoutent cette émission. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Eureka. On est ensemble jusqu'à 22h. Et tout de suite, on écoute Dérapade avec Maître du Monde. We'll be right back. pour initier. Même les imprévus me viendront en aide. Le moindre détail toujours calculé. Le jeu de taille, je détiens les clés. Mais un jour, je le sais, il faudra que ma tête tombe. Ça finit toujours comme ça dans la folie et le sang des maîtres du monde. Dérapade avec le maître du monde, ils étaient chez nous le 21 octobre 2022 et on avait passé un bon moment avec eux et puis j'ai eu l'occasion de les voir aussi sur scène, donc si vous avez, vous avez l'occasion de les voir un jour sur scène, n'hésitez pas à aller voir le groupe Dérapade. On continue avec, vous savez dans l'émission Eureka, il y a un mot qui revient assez souvent, c'est positif, donc on faut toujours positiver, aujourd'hui on est vendredi, et bah, c'est une belle journée, voilà, c'est, depuis ce matin, on est vendredi et on est à peu près terminé puisqu'on est ensemble jusqu'à 22h et puis il y a encore pas mal de temps pour en profiter. Vous pouvez même sortir juste après, il n'y a pas de souci. Les journées sont longues en ce moment, on est au mois de juillet. Et on va écouter donc le groupe Sadia avec Positif. Et juste après, ça sera le tour de la valeur de l'enfance. Je sais pas pourquoi je rigole, parce que c'est pas drôle du tout. Je rigolais parce que c'est le groupe Turn-Off qui interprète ce morceau-là. Et le groupe Turn-Off, on pourrait plutôt dire le groupe Turn-On, parce qu'ils sont vraiment au top. Et on les a reçus il y a quelques temps, et franchement, on a passé un bon moment avec eux. Encore un groupe à aller voir en concert quand vous avez l'occasion. On écoute Sadia avec Positif. Je ne me vois pas te croiser sans te sourire à toi, oui toi. Je ne me vois pas te toiser ni même te montrer du doigt. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Aucun sentiment d'hostilité à ton égard. Si je vois le contraire au fond de ton regard. Je ne veux pas prendre mon ami mais donner tout ce que j'ai. Tout ce que l'on possède dans la vie se trouve dans nos gènes. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Je n'ai que du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. Pas d'a priori de jugement. Tes yeux me diront si tu es sincère ou me mens. Je suis transparent, peut-être un peu trop à ton goût. Mais je remercie mes parents de m'avoir aimé jusqu'au cou. Ils m'ont enseigné la valeur des salutations. J'y colle mes sentiments à chaque manifestation. Shalom, assalamu alaikum, yang ici jam. Le salut faut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme. Shalom, assalamu alaikum, yang ici jam. Une main sur le cœur afin de l'entendre battre. Shalom, assalamu alaikum, yang ici jam. Et l'autre vers un être afin qu'ils entrent en contact. Shalom, assalamu alaikum, yang ici jam. Le salut vaut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme. Hey, j'ai que du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. Du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. L'énergie qui m'anime. m'est fluide. Elle sème la paix, elle s'agite et m'enivre. Je ne peux la retenir, l'énergie qui m'anime est fluide. Elle sème la paix, elle s'agite et m'enivre. Je ne peux la retenir, hé, hey, j'ai que du positif, du positif. Positif à te donner, je n'ai que du positif, du positif, du positif, du positif, du positif, du positif à te donner, je n'ai que du positif, du positif, du positif, du positif, du positif, du positif à te donner, je n'ai que du positif. Du positif, du positif. Quand tu étais enfant, un peu de la misère, un petit appartement pour toi et tes trois frères, et que ce sont des tu jouais avec eux, ça ne te dérangeait pas. Et leur couleur de peau, tu la voyais même pas. Maintenant que tu es grand, soi-disant bien pensant, tu penses que la France est toujours une vague blanche. Mais tu rases les murs quand tu crois faire un vœu. Les gens ne sont pas français, miracles de ses yeux. Regarde autour de toi, la voix c'est sans couleur. Elle vit des lits d'état en blanche, toi les meurs. Elle est belle et tu es. C'est pas la réalité, n'oublie jamais, jamais que la route de tous les. N'oublie jamais, jamais que la France a changé. N'oublie jamais, jamais que mon fraternité. N'oublie jamais, jamais que la route de tous les. Chanteur, acteur, poète, tu rêvais de voyage, une vie de bohème. On oublie son image quand tu es sur la mer. Maintenant tu as grandi et tu es enfermé dans une vision d'avenir loin de tes chers idées. Travail ou petite maison, pas ton bijou pognon, seul compte tes possessions. J'en crève, n'oublie jamais, jamais que la route peut tourner. N'oublie jamais, jamais que l'homme peut s'envoler. N'oublie jamais, jamais le mot est liberté. N'oublie jamais. Oh, porteuse qu'on nous vend. Des yeux secs et des sourires. Oh mon ange, il est là. Voir le sang du livreur. Et si tu vides mon cœur, moi, je ne suis rien. Nous sommes le jardin où j'essaie de t'aimer. Dans les rivières, je te pose pour t'apprendre à nager. Superbe découverte cette année, on avait découvert ce groupe-là, il est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, j'avais l'occasion de les voir quelques temps avant en concert, un groupe qui en voit bien et en plus que j'aime bien. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'émission, on n'a passé que des chansons en français et on s'est pas forcé du tout, hein, simplement parce que on aime bien les chansons en français et qu'on a pas mal de groupes qui interprètent des morceaux en français dans la région orléanaise. Bon, on va pas écouter que des chansons en français, à la limite on s'en fout un petit peu du moment que c'est bien fait et d'ailleurs on va continuer encore, c'est vraiment pas volontaire. Mais cette fois-ci, on va écouter notre ami Stéphane Acoustique, qui était venu il y a quelque temps nous présenter son projet, hein, son projet solo. Et il nous avait aussi interprété des morceaux en direct live. Et c'est un de ces morceaux-là que je vous propose d'écouter. Donc un morceau qui est enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de son passage par Stéphane Acoustique. Et d'ailleurs, il a récupéré le fichier, il l'a retravaillé un petit peu. Et c'est cette version-là que nous allons écouter ce soir. Alors le morceau qu'on va écouter, ce sont les grenouilles. L'été refaire le chemin avec mes propres enfants, la maison des grands-parents au lavoir de la fonte à blanc. Avec mon grand-père et le chien, le rendez-vous des soirs d'été, le pèlerinage quotidien, marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Un sacré effet avec eux d'y retourner. Le temps passe, mais les grenouilles, elles y sont restées. Je suis content de leur montrer, de leur passer le relais. Mais ça pique à l'intérieur, c'est hier, c'était le bonheur. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles y seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. garçon. Petit garçon. Petit garçon. De sa main dans la mienne. Voilà, une très belle chanson. Il y a des chansons comme ça qui me marquent. Moi, je sais que quand j'ai entendu Max dans le studio interpréter cette chanson en direct, bah, je me souviens que c'était un superbe moment et je me suis dit vraiment, j'ai eu de la chance de vivre des moments comme ça avec les artistes de la région orléanaise. Mais pas seulement, puisque Max était venu spécialement de Bayonne. Voilà. Dans l'émission Eureka, vous pouvez venir du monde entier si vous voulez, à partir du moment où vous avez des bonnes choses à nous faire partager. Et c'était le cas avec Max. Hein. C'était une dernière fois. On continue avec un autre artiste, un artiste qui était venu dans les débuts de l'émission Eureka. Il a marqué une grande partie de cette émission Eureka puisque il était venu de nombreuses fois. Il s'agit de notre ami Guillaume Mandrake. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors le groupe en stand-by pour l'instant. J'espère qu'il va revenir. En tout cas, on a des nouvelles du batteur Pierre. On en parlera tout à l'heure. Et Mandrake nous interprétait une chanson qui s'appelait Le meilleur des mondes. Et c'est la chanson que je vous propose d'écouter maintenant. Et c'est un petit hommage aussi à notre ami. Voilà, le nom m'échappe, je vous le dis juste après, il n'y a pas de souci. On l'écoute tout de suite, Mandrake avec Le meilleur des mondes, Pascal Germano. Voilà, le nom revient, et vraiment, c'est lui qui a écrit les paroles, et malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années, mais on a toujours une grande pensée pour lui, parce qu'il nous a laissé des superbes textes, c'est un vrai poète, Pascal Germano. Le soleil efface toutes les farandoles. On se voile la face derrière des banderoles. Quand le champignon pousse, nos enfants sont sans voix. Perdus dans la secousse, ils deviennent hors la loi. Quand les armes se vendent comme des petits pains, nos enfants se demandent ce que leurs pères ont du mal. Quand on va pour le pire dans le meilleur des mondes. Les enfants se tirent, mendient et vagabondent. Quand les livres d'histoire se confondent au présent, nos enfants doivent croire. C'est dans l'air du temps. Quand la folie des vents se souffle sur la terre. Dans le volcan, les enfants lavent notre cratère. Notre égo regarde notre nombril inculte. Nos enfants sur leur garde se méfient des adultes. Quand on va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous les enfants se tirent, mon lit est vagabond. Surplombe les dégâts explosifs de nos chars, de nos bombes, nos enfants se rebiffent. Dans l'océan en sang se dresse contre nous, les enfants innocents sautent de nos genoux. Rêve qu'on les épargne, quand la mort est dans l'air, dévastant la nature, les enfants nucléaires voient de grands invasions. Moi je voudrais croire en ce monde. Que les enfants fredonnent, qu'on arrête de leur mentir, qu'un jour ils nous pardonnent. Oui, je voudrais croire en ce monde, que les enfants fredonnent, qu'on arrête de leur mentir, qu'un jour ils nous pardonnent. Thank you. vague de chaleur. Comme si d'un coup j'avais un cœur. s'appelle Brigitte Bopp. Il est venu une seule fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel, mais j'aimerais bien les retrouver à nouveau, peut-être dans le courant de l'année prochaine. Bah justement, c'est un groupe qui a une carrière très longue. Hein. C'est un groupe qui existe depuis très longtemps, à l'image un petit peu du groupe qu'on va écouter juste après. Vous allez le reconnaître, je vous le présenterai qu'après. Et juste avant, on a écouté notre ami Alex Lebaye. Encore une découverte cette année. Franchement, c'est quelqu'un de super bien. Il a participé au Maverick Live numéro 12. Hein. Si vous l'avez loupé, bah, c'est parce que vous n'êtes pas venu, hein, tout simplement. Il fallait venir au Maverick Live numéro 12. En tout cas, vous aurez d'autres occasions de le voir. Et si jamais vous avez l'occasion, justement, de le voir sur scène, allez-y, parce que franchement, c'est un gars super bien. Il interprète de super belles chansons. Et puis, il met tout son cœur. On voit bien que c'est quelqu'un de passionné. Et nous, on continue de le suivre. Voilà. On va écouter donc un autre groupe qui a une très grande carrière, hein, pas seulement nationale, pas seulement sur Orléans, mais un groupe international, on va dire ça comme ça. Vous allez le reconnaître tout de suite. Et puis après, on se retrouve encore avec de la très bonne musique. Et puis je vais vous présenter au fur et à mesure tous les groupes que nous allons écouter ce soir. Vous pouvez retrouver aussi le programme sur le Facebook de l'émission Maverick. Alors, il y a déjà pas mal de gens qui ont mis des petits j'aime, mais ce soir, on va essayer de battre les records. Alors, vous allez sur le Facebook Maverick Albino, vous regardez le programme de l'émission et vous mettez un petit j'aime, et puis vous le consultez quand même. C'est pas simplement pour me faire plaisir. Vous le consultez, et vous pouvez aussi écouter la radio en même temps, ça sera encore mieux. Enfin, si vous m'écoutez actuellement, c'est que vous écoutez la radio. De ce groupe-là, hein. C'est un groupe qui tourne depuis pas mal de temps, vous l'avez reconnu, ce sont les Burning Head, voilà, avec un morceau qui s'appelle Open Your Eyes. On peut vous en passer beaucoup des Burning Head parce que ils ont énormément d'albums, j'ai tous les morceaux et on pourra en découvrir au fur et à mesure des émissions Maverick. Voilà, on continue avec un autre groupe qui est un petit peu dans cette tendance-là, parce que là vous avez pu écouter un petit peu le rythme un petit peu reggae qui apparaît aussi dans ce mélange un petit peu punk, et vous le retrouvez aussi avec notre groupe fétiche, un groupe qu'on aime beaucoup depuis longtemps, hein. C'est pas nouveau, hein. Franchement, on les suit depuis pas mal de temps. Il y a eu pas mal de changements au niveau des batteurs principalement. Ça s'appelle Yeti. Donc c'est un animal tout velu qui est descendu de la montagne parce qu'il fait trop chaud là-haut. Hein, imaginez. Donc il est venu un petit peu dans les plaines et il nous interprète une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle The Maze. Et ils ont fait aussi partie du précédent Maverick Live numéro 12. Si vous les avez loupés, c'est que vous n'étiez pas là. Il fallait fallait venir, hein, le groupe Yeti. Très chaud, mais comment ne pas bouger avec ce titre des Yeti qui s'appelle The Maze. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On va écouter tout de suite un autre groupe que nous avons reçu cette année. Vous allez reconnaître une chanson, c'est une reprise de Renaud, ça s'appelle Manu, ce sont les oreilles qui saignent. Et Manu, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta mère, le bistrot va fermer, et tu gonfles à ton lierre. Je croyais qu'un mec en juillet, ça pouvait pas chialer, je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas Manu, à pas tailler les veines, une gonzesse de perdu, c'est des copains qui amènent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi, ou alors y'a pas le don. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi qui fais de la peine. Qu'on s'est perdu, c'est les copains qui reviennent. Mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres ça fait un bail qu'on a largué nos titres. On est toujours en rade avec la tienne et puis Manu, j'y vais être libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Et des copains amis, ça sert à rien la haine. Une gonzesse perdue, c'est les copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine, dès qu'elle est dans son cul, dis-lui t'es désolé, t'as dû te courir trop tard. Quand tu l'as rencontrée, t'as dû te tromper l'histoire. Mais n'écoute pas, Manu, ne pas te tailler des peines. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle n'écoute pas, Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle n'écoute pas, Manu, c'est à moi qui fais de la peine. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle n'écoute pas, Manu, allez. Allez, une petite chanson, Manu, allez, vas-y, c'est une chanson de Renaud interprétée par Les Oreilles qui saignent. Bah, ça m'a fait penser à une autre chanson de Renaud qui avait été interprétée ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Bah, ça fait très longtemps, hein. C'était avec Eric Torel et à la guitare, il y avait Monsieur David McLean. Et bah, c'est une chanson que souvent on appelle Lola, mais en vérité, c'est pas Lola, c'est Morgane de toi. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica et on va passer encore beaucoup de souvenirs comme ça jusqu'à 22h. Il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Merci David, je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Malheureux, allez viens avec moi, je t'embarque dans ma galère, dans mon arche. la place pour tous les marauds. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. C'était l'émission numéro 129. Vous savez qu'on est à l'émission numéro 558, donc ça fait quand même quelques années. C'était David McLane à la guitare et la voix qui, non, c'est pas Renaud, hein, et pourtant on pourrait s'y tromper. C'est notre ami Eric Thorel. Voilà. Eric qui avait un petit peu laissé tomber la musique, mais je crois que ça chatouille, il a envie un petit peu de revenir. Bah, en tout cas, s'il a envie de revenir à la musique, bah, il sera le bienvenu aussi dans l'émission Mavrica. Voilà, on continue avec Lola. Vous venez d'écouter Lola. C'est Morgane de Toi, la chanson de Renaud. Et on continue avec une autre Lola, cette fois-ci c'est interprété par un groupe que j'avais reçu tout au début, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui mais qui faisait des chansons rock'n'roll en français. Le groupe s'appelait Thank You Margaret et le titre que je vous propose d'écouter maintenant c'est Lola. Les voir pour toujours. Comme un Apache, donc c'était le groupe Red Daff, vous l'avez reconnu, et juste avant, on a écouté un autre groupe en français, c'était les Thank You Margaret avec le titre Lola. Alors je vous propose maintenant de changer un petit peu de langue, hein, c'est pas, je regarde pas du tout ça, mais là on va changer un petit peu puisque c'est le groupe Halls 2.0. Donc les Halls, c'est les chouettes 2.0, un groupe qui était venu il y a quelque temps, hein. Je pense que le groupe n'existe plus aujourd'hui. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Since I Stopped Being a DJ, depuis que j'ai arrêté d'être un DJ, voilà, bon, parce qu'il était peut-être DJ avant, en tout cas c'est du bon rock'n'roll qu'il nous envoie, et juste après on écoutera un autre groupe que j'ai eu l'occasion aussi de voir sur scène et qui envoie bien, c'est Welcome Noise in Our Honor, voilà, j'ai un peu plus de mal avec l'anglais. Tiens, il y a un petit truc marrant, c'est qu'on a une caméra de surveillance sur laquelle il y a un papillon qui nous fait des petits messages comme ça, donc il passe devant sans arrêt, c'est un peu surprenant au départ, mais bon, c'était juste pour une petite anecdote comme ça, pour vous dire que je passe un bon moment à écouter de la bonne musique, et les papillons, eux aussi. Yeah. mistakes when I'm old. I'd like you to know that a day will come, or if you will, I choose. I'd like you to know. Only revolution. Encore un groupe qu'on aime bien sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Maverick. Il s'agit du groupe Chili Dogs. Vous les avez reconnus avec The Walk Away. Juste avant, c'était les Customs avec Only Revolution. Et on va continuer avec un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais que nous avions reçu à plusieurs reprises hein, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe No Sign Nothing. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre ce nom-là. Je bafouille à chaque fois, mais maintenant qu'il est bien rentré, le groupe n'existe plus. Par contre, il nous a laissé des très bons enregistrements. Et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle All Night Long. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. vous êtes très chaleureuse, très chaleureux. Avec One Night Long, c'est les Sharpers avec Good Time Together. J'espère que vous passez un bon moment et puis c'est une reprise de Lou Reed. On continue avec une autre reprise d'un autre chanteur. Il s'agit de la chanson Joe de Jimi Hendrix, interprétée en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe qui était présent ce jour-là. Il s'agit des Satis Guys. On écoute tout de suite Joe. Hey Joe, where you go with that gun in your hand? Hey Joe, I say, where you go with that gun in your hand? I'm going downtown to shoot my old lady. You know, I heard she said someone with some other man. I'm going down to shoot my old lady. You know, I cut her piece around with some other man. Oh, I didn't know. Hey, Joe! I heard you shot your refaites parler la poudre et vous resterez là. Tous les rêves se comptent sur mon étoile et la lune se décroche sur mon étoile. Y a même une on les présente plus, c'est le groupe La Jarrie sur mon étoile. Juste avant, c'était Last Rider avec As Long As It Pays. Et juste avant encore, c'était Prisma avec Tell Me Why. Et je vous ai pas présenté non plus les Shaking Mets avec Madman Blues. Voilà. On continue avec de la bonne musique. Un groupe qui est venu cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après pas mal de temps d'absence dans l'émission. Hein. C'est pas que le groupe continuait pas à jouer, mais il n'était pas venu pendant un certain temps. Et il est revenu, je les ai vus aussi sur scène. Il s'agit du groupe Full System. Je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Jour de brume, et juste après on écoutera le groupe aussi, un groupe qui a participé à Maverick Alive ça fait un petit moment déjà hein, puisqu'à cause du Covid il n'y en a pas eu. Il s'agit du groupe Barricade et le titre c'est Bouge, c'est le titre de leur dernier album. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est l'émission Maverick sur Radio Arc-en-Ciel. la neige qui tombe dans le silence. Un voyage dans le temps. You don't need more than a smile to make me use my Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on écoute actuellement Melody Road avec Trouble Mind. Et le groupe Melody Road qui a participé au Mavrika Live numéro 12, c'était le 10 juin à la Chapelle Saint-Mémin. Voilà, rendez-vous donc au mois de novembre 2024 pour le prochain Mavrika Live. En attendant, on va écouter les Uncle Bikers avec Long Time Drifter. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. think I don't want to feel the pain anymore. To Amnesia avec Away. Juste avant, c'était Noitol avec Don't You Feel My Blow. Et encore avant, c'était Long Time Drifter, interprété par Uncle Bikers. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on continue avec de la musique sur dans l'émission Marika. De la musique de Planet of Pixies, un groupe tribute des Pixies. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Where Is My Mind et ils seront prochainement, on va se débrouiller pour ça, ils seront prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, encore quelques minutes de bonne musique. Profitez-en jusqu'à la fin. On écoute tout de suite les Planet of Pixies. Stop. coming home tonight. You're out looking for something you saw on TV. I'm not going out tonight. I'll be waiting by the phone that won't ring. Let me have it once again. Punish me for something I did not do wrong. I can take a whole lot more. Give me all you have. I know you can't be evil. You're out looking for an answer. you should be. You should be. S'appelle Patient Z. Le morceau que nous écoutons, c'est My Best Enemy. Ah, juste avant, c'était Uncommon Man from Mars avec You Can Be Evil. Et juste après, on va écouter The Brunettes avec Lover Song. Another world,

chanson de d'Arrigoni avec Georgia Pouliquen. Elle participe, elle fait les chœurs aussi, hein, donc on l'entend un petit peu derrière si vous faites attention. Ça s'appelle Défends-moi. Et juste avant, on avait écouté Doreen Lowe avec Allô la Terre. Donc ce sont des gens qui sont venus il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était parmi les derniers invités dans l'émission Mavrika avant l'été. Et on va terminer cette émission avec Pauline à la plage qui nous interprète une chanson de l'amour à la plage. Voilà, c'est le titre d'une chanson de Niagara. C'est une reprise. Vous allez voir que le style est complètement différent. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'était l'émission numéro 558. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit, même heure, à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Je pense que tout est dit. Hein. On a écouté de la très bonne musique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine et rendez-vous vendredi à partir de 19h. Voilà, on va dire les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be all right. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. moral válida para esta decisão? Estamos perante uma utilização de uma arma que a maioria, clara, dos países do sistema internacional proíbem. Os norte-americanos, e muito provavelmente também pressionados pela sua indústria bélica, nunca as interditaram, nunca as proibiram. E agora